jamais eu la ferveur d'Aretha Franklin. Et l'avenir nous annonce une belle vague de froid. Certaines espérances de vie s'arrêtent à 30 piges. Des tombes se creusent lorsque de grands ennemis se croisent. Je peux pas jurer que personne ne sera blessé soir. J'ai pas le souvenir d'un jour où la vie nous ait laissé le choix. Je m'inquiète pour ma tension artérielle, que mes proches escortent ma dépouille en terre algérienne. Personne ne s'accoutume à être meurtri. Nos gueules en témoignent, on a traversé des heures tristes. J'arrêterai là où j'exploserai comme le Vésuve. J'suis bon qu'à marcher et faire du rap avec mes blessures. Ce sont ces marques qui nous apprennent à grandir. Et c'est la pire des frontières que je m'apprête à franchir. Puisque les hommes ne naissent pas libres, je m'en irai où les pires d'entre nous ont été bannis. Parce qu'on retournera tous à la poussière. Parce qu'un homme a guéri en vaut une douzaine. Ce monde marche avec un surin dans la poche. Depuis le jour où Adam a planté sa mâchoire dans la pomme. C'est la fureur qui a noirci le paysage. Je suis déjà mort comme un porteur du VIH. Ma plume était moussée comme un vieux sable. Je suis juste le fantôme d'un type qui pensait valoir mieux que ça. Viendra ce jour où l'ennemi se pointera en masse. Où je jouerai mon rôle comme un ailier les soirs de grands matchs. J'espère survivre à mon grand soir. J'ai arpenté des routes où je me suis vu mourir 100 fois. Personne n'est vraiment sûr que la terre tourne. Des peuples entiers se noient dans les rivières pourpres. On apprend que l'espoir est un vieux fou. Et que celui qui se venge doit creuser 2 trous. Je sais que la suite sera pénible. Je vais traverser un brasier pour revenir comme un phénix. Je tâcherai d'être inarrêtable. Je sais que la vie n'est pas un fleuve, c'est un horrible marécage. Je ne signerai jamais la moindre armistice. Cet album, c'est mon testament artistique. Que tu comprennes que je n'ai pas grand chose à prendre. Je garde en mémoire que même le diable était un ange avant.